Chapitre 3e. La demeure du prêtre de Kali était située à l'extrémité orientale du jardin, à un jet de pierre de la pagode. C'était une construction de forme originale, très ancienne, composée de trois pièces rectangulaires, alignées derrière une véranda et surmontées de petits dômes aplatis. Une de ces pièces servait de chambre à coucher, une autre de cuisine. La troisième renfermait la source sacrée, qui sortait de terre au fond d'un bassin rond et s'en allait par une ouverture de la muraille, livrer ses eaux à des rigoles d'irrigation. Il y faisait relativement frais, et le prêtre l'employait comme cellier. Chaque jour, on lui apportait de la campagne, une ou deux jarres de lait fumé. Un bahut contenait les sacs de maïs, de sorgho, de froment. Des terrines de beurre cuit remplaçaient une niche creusée dans le mur. Des régimes de bananes pendaient à une poutre. Et c'était tout. Les prêtres de Kali se font une loi de la frugalité. Chaque soir, après le coucher du soleil, la loupe pétrissait une douzaine de galettes, les faisait cuire sur une plaque de tôle, les enduisait de beurre fondu et les présentait en grande pompe à son maître, qui en mangeait trois ou quatre et le laissait disposer des autres. Après quoi, on buvait un ou deux litres de lait froid, on croquait quelques grains de maïs rôti et l'on allait se coucher. Le prêtre dans sa petite chambre d'anachorète, la loupe de l'autre côté de la pagode, dans sa hutte de bambou, comme un chien de garde dans sa niche. Ces mouvements quotidiens s'accomplissaient d'ordinaire avec une régularité parfaite. Cependant, le jour de l'arrivée de Siddhartha, il y eut une infraction à la règle. La loupe alla se coucher, mais son père et son grand-oncle restèrent debout. Ils avaient bien des choses à se dire depuis 7 ans qu'ils ne s'étaient vus. Assis sur leurs talons au debout d'une natte étalée sous la véranda, un rayon de lune se jouant autour d'eux parmi les piliers, ils fumaient dans la même pipe alternativement, l'un parlant pendant que l'autre fumait. Personne pour les entendre. À part la loupe qui dormait à poing fermé de l'autre côté de la pagode, ils étaient seuls dans le vaste enclos. Le grand silence de la nuit en pleine campagne rendait plus distinct le susurrement de la source. Par intervalles, un souffle tiède secouait le panache des dattiers qui rendait un son métallique. Des chauves-souris se croisaient dans le ciel clair. Siddhartha avait compté ses pérégrinations, brièvement, car c'était un homme avare de paroles. Il termina par un exposé de ses projets qui était grandiose. « Vous comprenez, mon père, que j'ai dû plus d'une fois souffrir en comparant les merveilles du culte à Bombay, à Pune, à Bénarès, avec la pauvreté de notre installation. La bonne mère est une des grandes divinités de notre pays. Cette pagode n'est pas digne d'elle. Voilà pourquoi je dis qu'en premier lieu, nous devons nous appliquer à obtenir de l'argent pour la reconstruire sur les plans que j'ai rapportés. Mais ce n'est pas tout. Nous avons ici une source sacrée. Quel usage en avons-nous fait? Servir à des ablutions, arroser un jardin, ce n'est vraiment pas la peine d'avoir une eau sacrée pour cela. J'ai vu à Ahmedabad une source qui ne vaut pas la nôtre, dédiée au Seigneur Vishnu. On l'a entourée de vastes portiques, on lui a creusé des bassins de marbre où des centaines de pèlerins peuvent faire leurs ablutions tous ensemble. Les malades viennent s'y plonger pour être guéris de leur maladie, les pêcheurs y obtiennent la purification. Cette seule source, et encore est-elle intermittente, a fait la fortune de la ville. Elle glorifie à des centaines de lieues à la ronde le nom de Vishnuji. Pouvons-nous en dire autant de la nôtre? Non, n'est-ce pas? Eh bien, mon père, j'estime que tout cela doit changer. Audipur est la capitale d'un royaume populeux et riche. Notre Maharaja possède des trésors immenses. Demandez-lui une douzaine de lacs et je m'engage, en transformant notre sanctuaire, à attirer chaque année 100 000 pèlerins. Nous prendrons des auxiliaires, nous aurons un collège de prêtres, des écoles pour nos enfants. Nous finirons peut-être, grâce à l'or qui viendra s'entasser dans les coffres de la bonne mère, par bâtir des hôpitaux, comme je l'ai vu faire à Bombay et ailleurs. Ce sera le triomphe de la souveraine de nos cœurs, ce sera la gloire d'Audipur. Le fakir s'est élevé. Dans l'élan de son enthousiasme, il fit quelques pas sur le sable, embrassa d'un regard le ciel et la terre, et aspira à plein poumon la brise du soir. Puis il revint s'asseoir vis-à-vis du vieux prêtre, qui lui tendit silencieusement la pipe. Son air abattu frappa Siddhartha. « Qu'avez-vous, mon père? On dirait que mes projets ne vous agréent pas. Auriez-vous quelque objection à me présenter ?»« Une seule, » répondit mélancoliquement Amra, « mais elle a du poids. » Jamais le Maharaja ne consentira au sacrifice pécuniaire que tu veux lui imposer. Et pourquoi donc? A-t-il, pendant mon absence, cessé d'être le prince généreux que nous connaissions? Pendant ton absence, mon fils, il s'est passé bien des choses, et plus d'une fois j'eusse souhaité t'avoir auprès de moi. Je crains qu'aujourd'hui ce ne soit trop tard. Le fakir croisa ses bras sur sa poitrine. « J'écoute, » dit-il d'une voix brève. Le vieux brahmane parla longtemps, heureux de pouvoir enfin confier ses doléances à une oreille discrète. Peu après le départ de Siddhartha, un riche banquier, qui avait quelques peccadilles sur la conscience, avait imaginé de faire construire à ses frais une superbe pagode pour y installer une image miraculeuse de Krishna. Le Raja avait daigné honorer de sa présence l'inauguration de l'édifice et la faveur populaire s'était dirigée de ce côté. Fallait-il s'en étonner? Le culte de Krishna, ce demi-dieu efféminé et sensuel, avait plus d'attrait pour les âmes mondaines et pour les femmes que celui d'une divinité assurément supérieure, mais austère et exigeante sous le rapport des mœurs. La bonne mère s'était vue abandonnée, ses parvis étaient déserts. En vain, le prêtre au désespoir avait-il organisé des processions pour raviver le zèle du peuple. Les paysans seuls étaient restés fidèles au culte de leur père. Presque tous les citadins s'étaient donnés à Krishnaji. Alors Amra avait pensé à faire construire dans une position dominante une pagode qui pût rivaliser de somptuosité avec celle du banquier. Il avait hardiment demandé au roi la concession de l'île et les fonds nécessaires à la bâtisse. Malheureusement, le prêtre de Krishna, un étranger, avait su gagner les bonnes grâces de la maison royale. La demande d'Amra avait été repoussée. Battu dans une première rencontre, le bonhomme ne s'était pas découragé. Il avait cherché à influer sur les conseils du roi par l'intermédiaire de la reine, demeurée fidèle à l'ancien culte. Mais le maudit Laxman avait eu l'habileté de donner pour maîtresse au roi une créature à lui, d'une infernale beauté, méchante, rusée, et quand le prêtre de Kali était revenu à la charge, on s'était moqué de lui. « Car enfin, conclut-il, n'est-ce pas se moquer de moi que de me donner un collier quand je demande une maison ?»« Je te dis, mon cher enfant, que le Raja est ensorcelé, il n'y a rien à faire, rien !»« À moins, ajouta le pauvre homme en se reprenant à espérer malgré lui, à moins que toi, qui as tant étudié, tu ne trouves un moyen de rétablir nos affaires. Voyons, parle. Te sens-tu de force à lutter contre ce suppôt de Krishna, contre ce Laxman de malheur que la bonne mère aurait déjà dû écraser comme un pou? J'y songerai, répondit laconiquement Siddhartha. Amra se pencha pour scruter la physionomie de son interlocuteur. Le visage de Siddhartha avait la rigidité du marbre, mais un pli s'était creusé entre ses sourcils et ses yeux lançaient des éclairs.